Swann était si timide avec elle qu'ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par arranger ses cattleya, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là, qu'il pouvait renouveler, puisqu'elle n'avait pas fâché Odette la première fois, les jours suivants, il usa du même prétexte. Et, bien plus tard, quand l'arrangement, ou le simulacre d'arrangement, des cattleya fut depuis longtemps tombé en désuétude, la métaphore « faire cattleya » devenue un simple vocable qu'ils employaient sans y penser quand ils voulaient signifier l'acte de la possession physique, où d'ailleurs l'on ne possède rien, survécut dans leur langage, où elle le commémorait à cet usage oublié.